Français. Française. B. Suédois. Suédoise. C. Mexicain. Mexicaine. D. Allemand. Allemande. E. Espagnol. Espagnol. F. Italien. Italienne. G. Coréen. Coréenne. H. Russe. Russe.